إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 13 dans l'explication du livre de la Aqida des deux imams, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, qui sont deux grands imams parmi les imams des Salaf al-Salih. Et dans ce livre qu'on explique, le Cheikh Rabi' il fait la clarification de leur Aqida, qui est la Aqida des Salaf, qui est la Aqida d'Ahl Sunnah wal-Jama'a. Et donc, c'est comme j'ai expliqué dans certains cours, yani, que c'était l'habitude des salafs de faire un résumé de leur aqidah pour supporter et défendre les points sur lesquels les jeunes bid'ah ont divergé avec Ahl Sunnah wal Jama'a dans le but de confirmer leur iman et leur foi et leur aqidah pour supporter la aqidah de la vérité, la aqidah de yani d'Ahl Sunnah et pour réfuter les jeunes bid'ah en même temps. Donc ils ont mentionné dans le livre plusieurs éléments qui ont rapport avec les fondements de Ahl Sunnah. Au dernier cours, on a parlé de qu'est-ce qui a rapport avec Al-Iman bil-Jannah wal-Nar et le fait que Al-Jannah wal-Nar, les deux sont réels et véridiques et qu'ils existent maintenant déjà, ils sont déjà créés. Allah subhanahu wa ta'ala les a déjà créés. Et yani, aujourd'hui, on va parler de As-Sirat, c'est-à-dire le pont qui sera dressé par-dessus l'enfer que tous les hommes devront traverser au jour de la résurrection. Et si on a le temps ensuite, bien entendu, on va continuer avec le point suivant, qui est le point numéro 10, à propos de Al-Mizan. Al-Mizan, c'est-à-dire la balance au jour de la résurrection avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va peser les œuvres des gens pour savoir le degré ou le niveau de récompense qu'il mérite. Donc on commence, inshallah, donc les deux imams, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi, après avoir dit que le paradis et l'enfer sont haqq, ils sont réels, eh bien il dit was-siratu haqq. Was-siratu haqq, c'est-à-dire le pont, il est véridique également. Et là, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il explique. Il dit: وَالصِّرَاطُ حَقٌّ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. فهذه الآية في الصراط والعبور على النار وورودها في حق الكفار أنهم يدخلونها ويخلدون فيها. Donc le Cheikh Rabi il explique en mentionnant le Sirat. Il dit que le Sirat il est réel, il est véridique, il faut y croire. Et puis il mentionne après avoir dit ça, il explique les versets 71 et 72 dans Sourate Maryam, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Juste une petite interruption. Le frère Haykal, il a fini de poser la colle, le coulis entre les tuiles. Donc, il a besoin d'aide. Juste pour quelques minutes, Inch'Allah. Donc, c'est un petit sacrifice. Puis, vous pouvez revenir tout de suite après. Non. Donc, je m'excuse de cette interruption. Donc, قال الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Donc, il cite ce verset. Le verset qui dit, comme on a commencé à expliquer, ça veut dire, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, ça c'est pour dire que tout le monde devra passer par l'enfer. Et qu'est-ce que ça veut dire passer par l'enfer? Ça veut dire passer sur le pont. Passer sur le pont de l'enfer. Et donc, on va décrire les détails à ce sujet-là dans qu'est-ce qui suit. Le cheikh, il dit, ce verset parle au sujet du pont et de passer par-dessus l'enfer. C'est un pont qui est dressé sur l'enfer et les gens vont passer. Il dit, « وَوْرُودُهَا فِي حَقِّ الْكُفَّرِ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَهَا وَيُخَلَّدُونَ فِيهَا » Il dit, en ce qui concerne les mécréens, les kuffars, ils vont passer sur le pont et ils vont tomber dans l'enfer et ils vont y rester. C'est-à-dire, ils vont demeurer dans l'enfer par la suite. Et il dit, وَالْمُؤْمِنُونَ يُنْصَبُ لَهُمْ الصِّرَاطِ وهو جسر على جهنم يمرون عليه على قدر إيمانهم وأعمالهم فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والركاب نعم ومنهم من يمر كالبرق. On a dit ça déjà. وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْبُ حَبْوًا وَعَلَى جَنْبَيْ عَلَى جَنْبَيْ الصِّرَاطِ كَلَالِيبِ تَخْطِفُ الْعُصَاتِ بِأَعْمَالِهِمْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ الكفار يدخلون جهنم دون أن يمروا على الصِّرَاطِ. Donc c'est ça. Donc le sheikh, il explique, il dit, Naam, barakallahu fik. Donc il dit, je recommence l'explication, il dit, donc ce verset, c'est un verset qui parle du pont que les gens auront à traverser, les croyants auront à traverser, qui est dressé sur l'enfer. Et de passer ce pont, ça c'est, il dit, pour les kuffars, c'est qu'ils rentreront en enfer et qu'ils y resteront pour l'éternité. Donc, plus loin, le cheikh, il explique, il dit que les kuffars, eux, ils vont pas passer sur ce pont. Ils vont rentrer directement en enfer, sans passer sur le pont. C'est seulement les mu'minoun, les croyants, qui vont passer sur ce pont. Et donc, il dit que les croyants, on va dresser pour eux un pont. Et ce pont-là va être sur l'enfer, et ils vont passer sur ce pont selon leur foi. C'est-à-dire, ils vont passer sur le pont qui est dressé sur l'enfer selon le degré de leur foi. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum, mashallah. Donc, selon leur foi et selon les actions qu'ils faisaient dans la vie d'ici-bas parmi les bonnes œuvres. Certains parmi les croyants vont passer sur le pont comme l'éclair. Donc, ils vont traverser le pont comme l'éclair. Certains vont traverser le pont comme un vent. Hein? D'autres vont traverser le pont comme des chevaux, hein? Les chevaux de course là, les chevaux qui vont rapidement. Et il y en a d'autres qui vont traverser le pont en se traînant à quatre pattes. D'accord? Donc c'est chacun selon hein, une vitesse selon les actions qu'il avait et la foi qu'il avait. Et de chaque côté du pont, il y aura des crochets. Et ces crochets-là, ils vont accrocher des gens parmi les pêcheurs selon leurs actions. Wal'iyadhu billah. Et le hadith à ce sujet-là, il est cité justement, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la version, c'est la version de Muslim. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il dit وَفِيهِ ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمْ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةِ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْجِسْرُ قال ضحد مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون كنجد فيها شويكة يقال لها السعدان ويمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. Donc le hadith qui explique que on va mettre le pont sur l'enfer, et là, à ce moment-là, il y aura les intercessions. Et là, certains vont dire « Oh Allah, sauve-les, hein? sauve !» Et à ce moment-là, on a demandé au messager d'Allah « Qu'est-ce que c'est ce pont ?» Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que c'est un pont qui, de chaque côté de ce pont, il y a des crochets, hein? Il y a des épines, des crochets qui accrochent les gens qui passent dessus. Et il y en a des croyants qui passent comme le clignement de l'œil. Il y en a d'autres qui passent comme un éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme les oiseaux, d'autres comme un cheval de course. Et il y en a qui sont sauvés parmi eux, il y en a qui se font accrocher, hein, et qui sont jetés à l'enfer. Et c'est à propos de cela que les intercesseurs intercèdent, hein, pour qu'ils soient épargnés, pour qu'ils ne soient pas en enfer, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire qu'il y aura ce pont-là. Puis le cheikh, il dit ensuite... Les kuffars, eux, ils vont rentrer dans l'enfer directement. Ils ne vont pas passer sur le pont. Ils vont rentrer dans l'enfer directement. Il dit والصراط ورد فيه أحاديث ومن حديث أبي هريرة ومن حديث سعيد ومن حديث غيرهما رضي الله عنهم وأكثر الأحاديث في الصحيحين تتحدث عن الصراط وعن مرور المؤمنين عليه واختلافهم في المرور عليه في السرعة والبطء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجين هذا يعطي الله المؤمنين عند مرورهم على الصراط نورا على قدر إيمانهم وأعمالهم ويستمر هذا النور. Donc le cheikh il explique que le pont, il y a plusieurs hadiths au sujet du pont qui va être sur l'enfer. Et yani, parmi ces hadiths, il y en a qui sont rapportés par Abu Huraira, d'autres par Abu Sa'id al-Khudri, et d'autres également. Et la plupart des hadiths qui parlent à propos du pont, ils sont tous dans la plupart dans As-Sahihain, c'est-à-dire dans Al-Bukhari et Muslim. Donc il n'y a pas de doute que ce sont des hadiths authentiques, que ce sont des hadiths du plus haut degré d'authenticité. Donc personne ne peut remettre en question le pont, et personne ne peut douter à ce sujet-là, personne n'a le droit de douter à ce sujet. Dans les hadiths en question, il y a la mention du fait que les croyants vont passer sur ce pont et qu'ils ne vont pas tous passer à la même vitesse. Certains vont passer plus rapidement, d'autres plus lentement. Et il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire qu'on soit parmi ceux qui seront sauvés. Et Allah subhanahu wa ta'ala va donner yani aux croyants, au moment où ils passent sur le pont, Allah va leur donner une lumière. Il va mettre sur eux de la lumière. Et cette lumière, elle va être selon la force de leur foi et de leurs actions dans cette vie d'ici-bas. Et donc, cette lumière va rester pour eux. Donc ça veut dire qu'ils auront une lumière avec eux, et que cette lumière-là sera proportionnelle à leur foi et à leurs actions. Et elle va rester avec eux. Tandis que Cheikh il dit, « Wa amma al-munafiqoun, fahum yadkhuluna fi, fahum yadkhuluna, amma al-munafiqoun, fahum yadkhuluna as-sirat, wa ma'ahum nour, hatta idha tawassatu as-sirat, atfa'aha Allah. » Allah nour al-munafiqin. Donc le cheikh il dit, les munafiqoun, c'est-à-dire ceux qui prétendaient avoir la foi dans la vie d'ici-bas mais qui n'aimaient pas l'islam vraiment, ou qui n'étaient pas vraiment des croyants, hein, qui étaient en réalité des kuffars mais qui cachaient leur mécréance, ils auront avec eux au début, en passant sur le pont, une lumière. Ils auront une certaine lumière avec eux. Mais lorsqu'ils vont arriver vers presque le milieu du pont, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala va éteindre leur lumière. Allah subhanahu wa ta'ala va éteindre la lumière des munafiqin. Alors, le cheikh il dit, il cite le verset dans Surat al-Hadid, qui est le verset 12 et 13, dans Surat al-Hadid. Al-Hadid qui est le verset du fer, hein, le fer. Il dit, الله سبحانه وتعالى يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فهذا النور الذي يؤتاه المؤمنون هو النور الذي يعطوه عند عبور الصراط ومنهم من نوره مثل الجبال كما في بعض الأحاديث ومنهم نوره مثل النخلة ومنهم نوره كمثل الرجل القائم ومنهم نوره على إبهامه يضيء تارة ويطفئ أخرى على قدر عمله سبحان الله ونعوذ بالله من التقصير والعجز والكسل الذي هو مآل أهله مع الأسف الشديد. Donc le cheikh il cite ce verset dans sourate Al-Hadid dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courra devant eux et à leur droite. On leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'énorme succès. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Alors, c'est alors qu'on élèvera une muraille entre eux. Une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde et dont la face apparente a devant elle le châtiment de l'enfer. Et donc, ça c'est pour montrer, yani, comment Allah subhanahu wa ta'ala va, yani, ruser contre les munafiqin au jour de la résurrection et comment ils seront punis. Hein? Et après, ils disent, n'étions-nous pas avec vous, hein? Donc le cheikh il n'a pas cité la suite du verset, mais on voit dans le verset comme la suite, on voit subhanallah comment le moment va être vraiment grave, puisque là ils disent, n'étions-nous pas avec vous, c'est-à-dire les hypocrites disent, est-ce qu'on n'était pas avec vous les croyants dans la vie d'ici-bas? Ils crieront, oui, répondront les autres, c'est-à-dire les croyants, mais vous vous êtes laissé tenter, vous avez comploté contre les croyants et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Donc ça c'est pour dire comment, qu'est-ce qui arrive comme résultat par la suite. Le cheikh il dit, donc la lumière elle va être donnée aux croyants, et certaines personnes vont être données une lumière au moment où ils vont traverser le pont. Certains auront une lumière grosse comme des montagnes. Dans certains hadiths, c'est expliqué ça. Pour d'autres, ils auront des lumières comme un palmier, comme un arbre de palmier. D'autres auront des lumières qui sont comparables à la hauteur d'un homme lorsqu'il se tient debout. Et d'autres auront une lumière qui va se tenir sur son pouce. Hein? C'est une petite lumière. Et même des fois, elle va éclairer, des fois, elle va s'éteindre. Hein? Subhanallah. Selon la force de ses actions et la valeur de ses actions. Na'udhu billahi min at-taqsir wal ajzi wal kasal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre nos manquements, notre incapacité, notre paresse, parce que c'est ce qui a été la cause de la situation de ces gens-là, malheureusement, à ce moment-là, à cause de ça, ils ont des lumières faibles. Et comme c'est mentionné dans le tafsir de l'imam Ibn Jarir, il cite justement ce hadith-là. Il dit, selon An Abdillah, قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويقد مرة. C'est-à-dire que, comme on a dit, certains vont avoir des lumières de différentes grosseurs, et le plus bas dans la lumière que certains vont avoir, c'est comme la lumière qu'il aura sur son pouce. Et elle va, des fois elle va s'allumer, des fois elle va s'éteindre. Donc ce ne sera pas une lumière qui est stable, hein, qui est constante. Et donc ça c'est la situation. Après, le cheikh il dit, وَفِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ قَالَ تَعَلَى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم من سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فهذه الآيات كلها تدور حول الصراط وحول مرور المؤمنين على الصراط ويعطيهم الله سبحانه وتعالى من النور وكيف يعامل الله سبحانه وتعالى المنافقين. Donc le cheikh il dit, il cite les versets dans Sourate al-Tahrim à propos justement de la question qu'on est en train de mentionner. C'est les versets 6 à 8, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes, c'est-à-dire préservez vous-même et vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Les gens et les pierres. Surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Donc les anges y désobéissent jamais. Et il dit ensuite dans le verset 7, ô vous qui avez cru, ne vous excusez pas aujourd'hui. Vous ne serez rétribué que selon ce que vous œuvriez. Ô vous qui avez cru, le verset 8, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui ont cru avec lui, à ceux qui croient avec lui, leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront: Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala va justement donner aux croyants une lumière qui court devant eux et à leur droite. Et ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala de parfaire leur lumière. Ensuite le cheikh il dit, donc ces versets-là tourne tous autour de la question du pont qui sera sur l'enfer au jour de la résurrection et autour de la question de la traversée des croyants de ce pont. Et que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner une lumière. Et comment il va agir également envers les munafiqin. Il dit ensuite, المنافقون كانوا يستهزئون بالمؤمنين بل كانوا يستهزئون بالله فالله يمكر بهم سبحانه وتعالى على قدر أعمالهم كان عندهم مكر فالله مكر بهم سبحانه وتعالى وشجعهم وأعطاهم النور ومشوا على المسلمين ما ومشوا مع المسلمين ما شاء الله ثم أطفأ عليهم النور وكان مصيرهم النار. وبئس القرار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وهذا ما جاءت به الآيات والأحاديث حول الصراط. Donc le cheikh il explique, il dit que les croyants dans cette vie les munafiqin dans cette vie ils se moquaient des croyants. Les munafiqun dans cette vie d'ici-bas, ils se moquaient des croyants. C'est-à-dire qu'ils faisaient croire qu'ils étaient des croyants, puis en réalité ils ne croyaient pas en l'islam. Donc ils se moquaient des croyants, et même qu'ils se moquaient même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils essayaient de se moquer d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala se moque d'eux ce jour-là, selon leurs actions. Donc celui qui a fait des ruses, alors Allah subhanahu wa ta'ala va ruser contre eux. Ceux qui ont fait des ruses, Allah va ruser contre eux. Donc il dit, donc il les a encouragés, il leur a donné une lumière, ils ont marché avec les croyants, donc ils s'imaginaient probablement que ça y est, ils ont réussi à rester avec les croyants malgré leur mécréance, donc ils s'imaginent peut-être que ça y est, ils ont réussi à tromper les croyants et à tromper leur Seigneur, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes choses. Et il a le pouvoir sur toute chose, donc ils ne peuvent pas le tromper, ils ne peuvent pas ruser contre lui, ils ne peuvent pas faire de complot contre lui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment là il éteint leur lumière, et donc leur destination est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à propos des hypocrites, inna al-munafiqina fi d-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. C'est-à-dire, les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer, et tu ne trouveras pour eux aucun secoureur. Et donc, ça c'est ce qui a été rapporté dans les versets et les hadiths au sujet du sirat. C'est ça qui a été rapporté au sujet des versets et des hadiths, dans le Coran et dans la Sunna à propos de as-sirat. Donc, ça vient compléter le point numéro 9. Maintenant, on va parler du point numéro 10, qui est Al-Mizan. Donc, les deux imams, Abu Hatim al-Razi et Abu Zura al-Razi, ces deux grands imams parmi les imams des salaf, ils disent au point numéro 10, وَالْمِيزَانْ الَّذِي لَهُ كِفَّتَانْ يُوزَنُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا حَقٌّ. C'est-à-dire la balance qui a deux plateaux, sur lesquels on va peser les actions des serviteurs, les bonnes et les mauvaises, c'est réel, c'est quelque chose de réel. Et le cheikh il explique ça maintenant. Il dit wal mizan haqqun lahu kiffatan tuzanu fihi a'mal al ibad hasanaha wa sayyi'uha haqqun yani wal mizan haqq يقصد بعد الصراط يأتي الميزان والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون والوزن يومئذ الحق العدل والقسط فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون بسبب ظلمهم وخبثهم خفت موازينهم فأدخلوا النار وبئس القرار. Donc le Cheikh il explique que donc ici la balance, les deux imams disent que la balance elle est véridique. Elle a deux plateaux de chaque côté, hein, et c'est par cette balance que Allah subhanahu wa ta'ala va peser les actions des serviteurs, que ce soit les bonnes ou les mauvaises actions. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. Hein, c'est vrai, c'est réel. C'est pas symbolique. C'est pas allégorique, comme le disent les gens de Bid'a. Non. C'est quelque chose de réel, une vraie balance, réelle. Hein? Parce que les gens de Bid'a, des fois, c'est ça ce qu'ils disent, comme le Cheikh, il va l'expliquer. Certains gens de Bid'a disent, mais on peut pas peser les actions avec une balance. Hein? Comment ils jugent avec leur aql? Ils pensent que les choses qui se passent dans cette vie d'ici-bas, dans la dunya et dans l'au-delà, ils pensent que c'est pareil. Et ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas capable de faire une balance qui pèse les actions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire une balance qui pèse les actions. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'au-delà, c'est pas comme qu'est-ce qui se passe dans cette vie d'ici-bas. Donc, il faut comprendre les différences. Et ici donc il dit que cette balance elle est réelle. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ça c'est que après avoir traversé le pont, les croyants vont il y a le pont qui est sur l'enfer, les gens vont arriver vers l'endroit où il y a les balances, hein? Et là à ce moment-là on va peser les actions ce jour-là. Et le cheikh il cite plusieurs versets dans le Coran à ce sujet-là. Et il commence par le verset dans Sourate Al-A'raf. Sourate Al-A'raf, le verset 8 et 9. Donc c'est au début de la Sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et la pesée, c'est-à-dire le fait de peser les actions. Ce jour-là sera équitable, c'est-à-dire il va être juste. Donc celui dont les bonnes œuvres, les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Quant à ceux dont les bonnes œuvres pèseront léger, c'est-à-dire ça ne va pas être lourd, hein, leurs bonnes actions ça ne va pas être lourd, alors voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Donc ça c'est un exemple de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet-là. Donc il dit, la pesée va être juste au jour de la résurrection. Et il dit, donc ceux dont la balance va être lourde, avec des bonnes œuvres, et il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous mette parmi ceux-là. Ceux dont la balance va être lourde au jour de la résurrection. Et ceux dont la balance va être légère, hein, ceux que dans la balance de bonnes actions va être légère, ceux-là ce sont ceux qui se seront perdus eux-mêmes à cause de l'injustice dont ils ont fait preuve envers nos versets. Donc à cause de leur injustice, à cause de leur méchanceté, eh bien leur balance est devenue légère, hein, et donc ils sont entrés en enfer et quelle mauvaise demeure. Le cheikh il dit ensuite, il dit وقال تعالى وقال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله أكبر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Donc il cite un autre verset qui est le verset 48 dans Surat Al-Anbiya. Et le Cheikh, yani, il le cite deux fois pour dire comment le verset, yani, il est important. Donc le verset 47 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée. Ça veut dire on ne fera pas d'injustice à aucune âme. Fût-ce le poids d'une graine de moutarde que nous ferons venir. hein, même si c'est une quantité infiniment petite, hein, que peut-être que les balances de notre vie d'ici, dans notre vie d'ici-bas, elles peuvent même pas peser cette quantité-là tellement c'est faible, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va yani le peser. Il va le peser dans cette balance-là. Donc, il dit, même si c'est une graine de moutarde, on va la faire venir. Et il dit, وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, c'est-à-dire, nous suffisons largement pour dresser les comptes. C'est-à-dire, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, quand c'est lui qui fait les comptes, yani, c'est suffisant. Il est suffisant pour faire les comptes, parce qu'il n'y a personne qui compte mieux que lui, qui fait les comptes mieux que lui. Après, il cite un autre verset. Il dit, un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ya bunayya innaha intakum ifqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin ou fi samawati ou fi l'ard, ya'ti biha Allah, inna Allah latifun khabir. Ça, c'est un verset dans surat Luqman. Un verset dans surat Luqman dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il cite les paroles de Luqman à son fils. Et Luqman, il dit à son fils dans ce verset, dans les paroles que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, il dit, oh mon fils, si c'est même une graine de moutarde, peu importe qu'elle soit sur un rocher, ou dans les cieux, ou sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala va la faire venir. C'est-à-dire que cette graine de moutarde, cette petite particule, peu importe où elle est, Allah subhanahu wa ta'ala, il va la faire venir, même si elle est dans les cieux. Au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, il la fera venir. Et Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Il dit, Inna Allah la yazlimu mithqala dharra, wa intaku hasanatan yudha'ifha. وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Le verset 40 dans surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah ne fait pas le poids d'une atome d'injustice. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait même pas le poids d'une atome d'injustice. Et il dit ensuite, et si c'est une bonne action, il va la multiplier, il va la faire multiplier en valeur, il va la doubler, et il accorde une grande récompense de sa part. Ensuite, il cite un hadith qui est un hadith Qudsi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ibadi, inni harramtu al-dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. والدنيا والآخرة والجنة والنار هم خلقه وهم عبيده سبحانه وتعالى وهو لا يظلمهم مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce hadith Qudsi, ô mon serviteur, j'ai interdit l'injustice à moi-même. Je me suis à moi-même interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Alors ne faites pas d'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre et qui a créé la vie d'ici-bas et l'au-delà et qui a créé le paradis et l'enfer. Ce sont ses créatures, ce sont ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait d'injustice à personne, pas même le poids d'une atome d'injustice. Donc il dit, celui donc qui, comme il cite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, celui qui fait donc le poids d'une atome de bien, il le verra, et celui qui fait le poids d'une atome de mal, le verra. Subhanallah. Donc il va nous faire voir, ça c'est dans surat Az-Zalzala. Le cheikh il dit encore par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala adlun wa farada al-adl في هذه الدنيا على العباد وكم ينحرف الناس عن هذا المنهج وعن هذه الدعوة الخاصة الحاضة على العدل وعن هذه الدعوة الحاضة على العدل. وبعث النبيين بالعدل وأنزل معهم الكتاب ليحكموا بين الناس بالقسط. ومع ذلك حتى المسلمين أو كثير منهم يتجاهلون هذا العدل. فالعدل في القرآن والعدل في السنة والعدل في أحكام الله تبارك وتعالى في كل الأمور، حتى فيما بين المسلمين والكفار وبين الصالحين والفجار لا بد من العدل. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il est juste, et il a imposé et ordonné la justice dans cette vie d'ici-bas à ses serviteurs. Et il dit, combien de gens se dévient de cette méthodologie, de cette voie et de cette da'wa qui appelle et qui invite à la justice. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes avec la justice. Et il a envoyé le livre, hein, pour que les hommes jugent entre eux par la justice. Donc c'est pas vrai qu'est-ce que les koufars ils disent quand ils disent que eux ils veulent la justice, et quand ils suivent les lois qu'ils ont inventées eux-mêmes ou les systèmes qu'ils ont inventés eux-mêmes, que ils veulent et ils établissent la justice sur la terre. Non, c'est pas vrai. La vraie justice, elle vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est uniquement dans qu'est-ce que Allah a révélé et dans les règles d'Allah qu'il y a la vraie justice. Et donc c'est ça ce que le cheikh il explique maintenant, hein? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes avec la justice, et il a révélé avec eux le livre pour que les hommes jugent entre eux par cette justice. Et malgré ça, il dit, il y a beaucoup de musulmans, hein, ou bien il dit malgré ça, même les musulmans, il dit, ou beaucoup d'entre les musulmans ignorent cette justice. C'est-à-dire, ignorent la justice qu'il y a dans l'islam. Yani Allah al-Musta'an. Donc, par rapport à ce que le cheikh il dit maintenant ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musulmans qui ignorent la justice de la charia et la justice de l'islam. Et à un tel point que certains parmi les musulmans qui sont ignorants, qui n'ont pas étudié la charia, ils s'imaginent que la justice elle est chez les kuffars et non dans la charia et dans l'islam. Donc le cheikh il dit فَالْعَدْلُ فِي الْقُرْآنِ. Donc il dit la justice elle est dans le Coran, la justice elle est dans la sunna, la justice elle est dans les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans toutes les choses, même dans les relations et dans les liens, dans les situation entre les musulmans et les kuffars, entre les hommes pieux et entre les pécheurs, il faut qu'il y ait de la justice. Et le cheikh il dit ensuite, il dit وَلَوْ ظَلَمْتَ كَافِرًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَأْخُذُ اللَّهُ مِنْكَ هَذَا الْحَقِّ لَوْ نَطَحَتْ شَاتًا قَرْنَاءَ شَاتًا جَمَّاءَ يَقْتَصُ اللَّهُ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وهو لا يظلم فتيلا ولا يظلم نقيرا ولا يظلم مثقال ذرة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Donc le cheikh il dit, si par exemple tu as fait de l'injustice à un kafir, eh bien ce droit là que tu lui as, dont tu l'as privé, hein, Allah va le prendre de toi, hein, Allah va le prendre de toi au jour de la résurrection. Même si par exemple les brebis, hein, ou les boucs ou les brebis qui ont les cornes, hein, les moutons qui ont les cornes, les béliers, hein, quand ils se frappent comme ça, s'il y en a un qui casse la corne de l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala va établir la justice entre eux, hein, il va faire payer celui qui a brisé la corne de l'autre. Et il mentionne ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans Kitab al-Birr wa-Sila wa-Al-Adab. Il dit عن العلا عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. C'est ça. Donc, chacun va devoir rendre des comptes. Il dit, vous allez rendre les comptes, les droits à ceux à qui ces droits-là reviennent, au jour de la résurrection. Même le bélier ou le mouton qui avait une corne cassée, elle va demander des comptes, elle va devoir répondre à celle qui s'est fait casser sa corne, ou des choses comme ça. Donc ça c'est pour dire qu'il y aura toujours une justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il ne fait pas du tout d'injustice, même pas le poids d'une atome d'injustice. Et il dit dans le verset 118 dans Sourate An-Nahl, il dit: ce n'est pas nous qui leur avons fait de l'injustice, mais ce sont eux-mêmes qui se sont causés de l'injustice, qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Donc ce sont eux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, et ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il mentionne également dans les versets 101 à 104 dans sourate Al-Mu'minun: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. سبحان الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate Al-Mu'minun, c'est les versets 101 à 104, ce qui signifie: quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux, et ceux dont la balance est légère, ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes, et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Le feu brûlera leur visage, et ils auront les lèvres crispées. Naam. Subhanallah. Donc le cheikh il dit ensuite: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ الصُّوفِيَّةَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَقُولُ إنهم أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يدخلون الجنة وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أدخله الله النار زوجة نوح وزوجة لوط قال الله في شأنهما ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وأبو إبراهيم عليه السلام يدخل النار يقول إبراهيم عليه السلام يا الله وعدتني أنك لا تخزيني فيقول انظر فينظر فإذا بأبيه قد تحول إلى ذيخ ملطخ يعني ضبع ملطخ ثم يعني يؤخذ بقوائمه فيرمى في النار من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فالأنساب لا تغني شيئا. Donc le cheikh il dit: au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala dit: lorsqu'on va souffler dans la trompe, il n'y aura plus de lien de parenté entre eux ce jour-là. C'est-à-dire tous les liens par lesquels les gens s'attachent dans cette vie d'ici-bas, ça ne comptera plus au jour de la résurrection. Et il dit: les soufis, beaucoup d'entre les soufis, parfois ils disent: nous on est descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous on est des ashraf. Eux ils disent souvent ça. Donc le cheikh il dit: nous on est des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a des liens de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne va pas aller en enfer, on va rentrer au paradis. Alors le cheikh il dit: regardez, l'oncle du prophète Abu Talib, il défendait même le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, et malgré tout Allah subhanahu wa ta'ala le fait rentrer dans l'enfer. Regardez la femme de Nuh et la femme de Lot, les deux, yani, elles étaient des épouses de deux grands prophètes. Et regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet dans Sourate At-Tahrim, le verset 10. Hein? Donc ça c'est la preuve que le fait que quelqu'un, par exemple une femme, elle pense que parce qu'elle est épouse d'un prophète ou parce qu'elle est l'épouse de quelqu'un qui est pieux, qu'elle automatiquement elle rentre au paradis, ou parce que ses parents ou ses proches sont des hommes pieux, donc elle va elle rentrer directement au paradis, ou le garçon aussi, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans les versets 10 dans surat At-Tahrim. Allah a cité en parabole pour ceux qui ont cru la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide. Ils, c'est-à-dire les prophètes, ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu toutes les deux, avec ceux qui y entrent. Donc c'est pour dire que dans la vie d'ici-bas, parfois quelqu'un peut intercéder en ta faveur pour t'aider quand tu as un problème avec quelqu'un. Hein? Si tu as quelqu'un d'important à qui tu as un problème, tu vas aller voir quelqu'un pour qu'il te sauve, pour qu'il t'aide, hein? Pour que tu sois épargné d'une punition ou d'un problème. Mais au jour de la résurrection, si tu as un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a personne qui peut venir te sauver. Hein? Même si c'est un prophète, hein, un messager, tu dis, ah mais c'est mon père, ou c'est mon oncle, c'est mon mari, c'est... Non, ça servira à rien, il n'y a plus de lien de parenté ce jour-là, et personne ne pourra te sauver, hein? Sauf tes œuvres et ta foi. Donc, le cheikh, il dit, donc il n'y aura plus de lien de parenté ce jour-là entre eux. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذٍ وَهُمْ يَتَسَأَلُونَ. Et ils s'interrogent entre eux. Donc, le cheikh, il dit, regardez Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim, son père, il rentre en enfer. Le père de Ibrahim alayhi salam, hein, le père des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, son père rentre en enfer. Alors Ibrahim, il va dire au jour de la résurrection, il va dire, oh Allah, tu m'avais promis que tu n'allais pas m'humilier au jour de la résurrection. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va dire, regarde. Et là il va regarder. Et il va voir son père qui a été transformé en un genre d'une hyène. Hein, vous connaissez là, une hyène, hein, c'est ça. Donc son père, il est transformé en une hyène. Hein, et donc on la prend par les pattes et on la jette dans l'enfer. Pour que Ibrahim, il n'a pas la pitié pour lui. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une forme d'animal. Hein? Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, dans Al-Bukhari, selon Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Wa yalqa Ibrahim abahu azar yawm al-qiyama, wa ala wajhi azar qataratun wa ghabara, fayaqulu lahu Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini, fayaqulu abuh, اليوم فاليوم لا أعصيك أو لا أعصيك لا أعصيك نعم فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بضيخ ملتطخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. Donc il dit, c'est un hadith qui dit que Ibrahim alayhi salam, il va rencontrer son père Azar au jour de la résurrection. Et Azar, il a sur son visage de la poussière, hein, de la noirceur. Alors il dit à Ibrahim, Ibrahim dit à son père, est-ce que je t'avais pas dit de ne pas me désobéir? Alors son père va lui dire, aujourd'hui je ne veux pas te désobéir. Hein? Mais c'est le jour de la résurrection, donc il est trop tard. Mais Ibrahim il dit, oh mon Seigneur, ne m'avais-tu pas promis que tu n'allais pas m'humilier au jour de la résurrection? Alors il dit, quelle est la plus grande humiliation que mon père? Hein, qui va être jeté en enfer. Alors, il dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, wa alaykum salam wa rahmatullah, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, j'ai interdit le paradis aux mécréants. Et il dit à Ibrahim, oh Ibrahim, regarde sous tes pieds. Alors, il regarde et il voit une hyène. Hein? Alors, il voit que la hyène elle est prise par ses quatre pattes, hein, par ses pattes, et elle est jetée dans l'enfer. Donc ça c'est un exemple pour montrer que le cheikh dit fal ansab la tourni shay'an, hein, man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alayha. Donc celui qui fait du bien c'est pour lui-même qu'il le fait, mais celui qui désobéit alors c'est contre lui. Et il dit que les liens de parenté ce jour-là ne serviront à rien du tout. Les liens de parenté au jour de la résurrection ne serviront à rien du tout. Il dit فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ يعني عملك هو محور النجاة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الناجون الفائزون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit, et on va terminer avec ça, hein, après, donc on va faire cette partie-là. Le cheikh il dit, donc il continue, donc le jour où on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de lien de parenté entre eux. Hein, ils vont s'interroger les uns les autres. Celui dont la balance sera lourde, c'est-à-dire c'est ton action qui va déterminer ton salut après la miséricorde d'Allah et après sa grâce. Donc celui dont la balance sera lourde, alors ceux-là seront ceux qui auront le succès. C'est eux qui vont être sauvés, qui vont être dans la réussite. Tandis que celui dont la balance de bonnes œuvres sera légère, alors ceux-là, ce sont ceux qui se seront perdus eux-mêmes et qui demeureront en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également ce qui signifie dans le verset 15 dans surat Az-Zumar, dit, certes, les perdants, ce sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes, hein, qui ont perdu leur âme au jour de la résurrection. Le cheikh il dit donc Allahu Akbar, hadha huwa al-khusr, wallahi al-khusran al-azim, amwal wa mulk wa dawal wa sawarikh wa ta'irat wa qadhifat wa 'abirat wa al-qarat ila akhirih, wa fi an-niyati la tughni anhu shay'a idha dakhala an-nar. Qal wa ma aghna anni ma aghna anni maliyah هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Donc il dit, le cheikh قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وثم هذه الحسرات التي تلاحقه والعقاب الأليم الذي يحق به ولا يغني عنه ما كان معه من مال أو ملك وإلى آخره فالعمل الصالح فالعمل الصالح نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يوفقنا للأعمال الصالحة وأن يجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إنه سميع الدعاء. Donc le cheikh il dit, donc Allahu Akbar. Ça c'est ça la grande perte par Allah. Hein. Il dit des gens avaient des biens, des possessions, des pays, des armées, des missiles, hein, toutes sortes de choses. Et à la fin, tout ça, ça ne sert plus à rien. Hein? Donc, quand il rentre en enfer, tout ça, c'est inutile. Et il cite les versets de 28 à 37 dans Sourate Al-Haqqah. Et les versets de 27 à 38 dans Sourate Al-Haqqah, c'est les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement la situation des gens au moment où ils reçoivent leur livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. » Ça, c'est qu'est-ce que la personne dit, hein, le mécréant, lorsqu'il meurt, lorsqu'il est au jugement dernier, il dit ça, à ce moment-là. Il dit « J'aurais aimé que cette mort-là, ce soit la dernière mort, définitive, qu'il n'y avait pas de résurrection par la suite et qu'on meurt pour toujours, qu'il n'y a pas de résurrection. » Donc il cite ce verset-là, Ma arna anni maliya. Donc hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Hein, saisissez-le. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah le très grand, et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Et il n'a pour lui ici, aujourd'hui, point d'amis chaleureux pour le protéger, ni de nourriture autre que du pu, que seuls les fautifs mangeront. Subhanallah. Donc le cheikh, il explique, il dit, donc, il dit, ma fortune ne m'a servi à rien et mon autorité est anéantie et m'a quitté. Hein? Donc il voit là, c'est les remords qui viennent le rattraper. Hein? Les remords et le châtiment douloureux qui lui parviennent et qui l'atteignent. Et donc, il n'y a plus rien de ça qui lui sert à quoi que ce soit par la suite. Tout son argent, toutes ses possessions, tout ce qu'il avait, tout ça, ça ne vaut plus rien. Et qu'est-ce qui compte? C'est la seule chose, c'est l'action, c'est-à-dire les bonnes œuvres qu'il a fait. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la foi et de nous donner le succès de faire les bonnes œuvres et qu'il fasse de nous ceux qui rentrent au paradis sans aucun jugement ni châtiment. Et il est certes l'audient et ceux qui entendent les invocations. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et puis, on continuera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.